soir, 19h-20h, non-stop. C'est 100% reggae sur Fusion. Fusion. Oyez, oyez, faites place et préparez-vous à accueillir les châteaux de Noah. Pour les petits et les grands, ne cherchez plus. Maintenant, la location de structures gonflables en Martinique, c'est avec les châteaux de Noah. Wow. Osez l'originalité, gonflez vos événements et faites-en le plus grand royaume de la fête. Les châteaux de Noah. Les châteaux de Noah, infos et réservations sur notre site www.leschateaudenoah.fr. Sur Facebook, les châteaux de Noah. Et au 0696-28-44-28. 28-44-28. Les amateurs de Ifi le savent bien. Ifi Car est le magasin de référence en Martinique. Ifi Car, c'est la vente et le montage autoradio, haut-parleurs, alarme, radar de recul, caméra de recul, teinture de vitre et accessoires pour tout type de véhicule et de bateau. Chez Ificar, vous retrouverez des marques haut de gamme à des prix compétitifs. Alpine, Pioneer, Focal, Infinity. Autoradio Pioneer à partir de 89€. Caisson amplifié Pioneer à partir de 199€. Haut-parleur Pioneer à partir de 49€. Teinture de vitre à partir de 129€. Ificar, zone industrielle de la Jambette, 0596 42 91 50 ou sonoto.fr. Ificar, une passion qui est aussi la vôtre. Attention, attention, remets ça. Fusion. Du 27 juillet au 3 août, Fusion et Fusion TV vous emmènent au Tour d'Aïeul 2025. Infos et réservations au 63 62 82. Ne ratez pas cet événement unique et exceptionnel en maxi catamaran du 27 juillet au 3 août. Le Tour d'Aïeul 2025, c'est l'affaire de Fusion et Fusion TV. Attention, réservez vos places tout de suite. 05 96 63 62 82. 63 62 82. Le mercredi 9 juillet, les associations Culture Égalité et KVE vous invitent à leur soirée 100% vinyle, 100% femme. Venez chanter et danser sur une sélection exclusive de vinyle, chantée et produite par des femmes d'ici et d'ailleurs. Rendez-vous au Tom, Théâtre Autonome Marron, à Fort-de-France. Le mercredi 9 juillet, de 18h à 22h. De Whitney à Tania, d'Arita à Césaria, que des reines sur les vinyles. On attend vos meilleurs déhanchés pour cette soirée 100% vinyle, 100% femme, 100% inoubliable. Participation solidaire. Tous les bénéficiaires financeront nos actions sur le doigt des femmes. Attention, Infoline 06 96 19 91 58. 19 91 58. Vacances 2025, c'est parti à l'espace Croisière Zips, quartier du Maine au François. Samedi 5 juillet, c'est l'ambiance laissée rouler. De 22h à l'aube, au platine, DJ Thierry. Entrée 20 euros avec une trousseau. Gratuité pour les femmes de 22h à 23h. À partir du 10 juillet, ouverture de votre discothèque du jeudi au dimanche. Attention, attention, gardez précieusement vos tickets. À la fin des vacances, une Kia Picanto va gagner. Info Zips 06 96 22 19 77. Samedi 5 juillet, c'est l'ambiance laissée rouler à l'espace Croisière Zips. La vraie discothèque de la Martinique. Fusion. Zouk souvenir. Vous avez peut-être oublié ça. Écoutez. Thank you. d'aujourd'hui. Numéro 1. Numéro 1 aussi sur celle d'hier. Fusion. Écoutez ça. 1990. 1989. 1988. Starts now. Ça y est, nous y sommes. Nous avons remonté le temps. Et à la radio, on écoutait ça. Fusion.